Puis notre invité, bah, je vous dis, allez là, on y va. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. 96.2 FM, c'est notre invité aujourd'hui. Je cherche mes petites fiches. Voilà, il s'en va tranquillement, Mimi. Je dirais un petit enfant, t'as vu, Sonia? Hein? On dirait un petit gamin qui part à l'école. Il va prendre son bus. Son bus. Non, mais c'est bien parce qu'il fait vivre les, tout ce qui est EHPAD, maison de retraite, tout ça. Tout le monde l'écoute et puis, bah, ça fait du bien aux anciens, hein, qui sont un peu isolés, malheureusement, avec ce Covid. Qui n'est pas isolé aujourd'hui? Sonia Alves. On t'a convoqué aujourd'hui. Comme dans les, comme à l'école. Restauratrice, à la base, hein. Oui. Ouais, alors, toi, on va expliquer un peu l'histoire. Je vais dégrossir, hein. Tu me dis si je me trompe, hein. Tu as prêté gracieusement ta terrasse à des jeunes entrepreneurs qui étaient en panne d'activité, hein. Et aujourd'hui, on te reproche plein de choses. La mairie veut te retirer la terrasse, à la base. Ils veulent pas me retirer la terrasse. Ils m'ont demandé d'enlever. D'enlever la terrasse, ouais. Ouais. D'enlever mon barnum, parce que c'était pas joli, etc. Ah, c'est une question d'esthétique avec le Covid, d'ailleurs. Et puis, en même temps, on m'a reproché d'avoir sous-loué ma terrasse. Donc, sous-louer, pour sous-louer, il faut toucher de l'argent. Moi, j'ai fait ça... Gracieusement. Gracieusement. Pour aider des petits entrepreneurs. Exactement. Hein. Donc, normalement, eux, ils ont un chalet qu'on leur donne, ben, qu'on leur prête au Hall Châtelet. Et puis moi, sur ma terrasse, comme c'est soi-disant une terrasse privée, ben j'ai rien. Ouais. Donc... De qui se moque-t-on? Parce que si c'est de moi, ça va pas le faire longtemps. Ouais. Donc, on parle de solidarité, je vois pas où elle est là, parce que... C'est compliqué, là, la solidarité entre les restaurateurs, etc. Non, il y en a un ou pas? Franchement, Orléans, dis-moi. De la solidarité, oui, parce qu'on soutient quand même quelques-uns. Mmh, c'est pas facile. Après, on est confronté à des murs, de la paperasse, des machins. Mais la réalité est qu'on va être confiné. On espérait faire un peu de trésorerie. Et là, c'est mort. C'est fatigant de se battre. Alors, cette histoire de terrain, tu dis, c'est une question d'esthétique, c'est ça, non? De oui, règles, parce que de... J'avais un barnum, et puis quand on a une terrasse, on a une charte de terrasse. Enfin, bon, la charte, on peut peut-être la mettre de côté pendant le Covid. Hein, bah, hein. C'est il y a tellement de choses qu'on met de côté. Je pensais ça, oui. Ouais, parce que si on veut tout respecter, on n'a pas fini là. Hein. Mais bon, je comprends pas. On se dit une ville qui est dont les commerces, mais on n'aide rien du tout. Moi, on me met des bâtons dans les roues, mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Et je vais taper plus fort, et puis d'accord, comme ça, on va comprendre. Ok. Qui aujourd'hui te donne un coup de main ou t'a filé un coup de main justement sur ce problème de sous-location entre guillemets? Alors malgré que c'est pas loué, c'est prêté, on va gracieusement. Ben prêté gracieusement. La ville d'Orléans t'ont aidé ou pas? Faut être honnête. Hein. Ouais. M'ont aidé, oui, souvent ils m'ont aidé sur certains points, mais là je comprends pas que on m'ait pas laissé mon barnum, et puis même que c'était pas joli, nanania, sachant qu'on va être au confiné, je voyais pas le mal, hein, non plus. Maintenant, pour la fabrique, ils ont récupéré un chalet, je suis contente pour eux. Ah, place du Martroi, ça. Ça a été prêté, non? Non, c'est où? C'est, au Hall Châtelet, ils vont être. Hall Châtelet. Dans les Hall Châtelet? Non. Non, aux extérieurs, il y a des petits chalets. Ah ouais, d'accord. Ah, je sais pas, attends. Donc ils vont en prêter un, c'est bien, je suis contente pour eux, mais, moi, j'aurais voulu en avoir un sur ma terrasse. Au départ, on me dit oui. Et puis maintenant, on me dit non. Et puis, c'est une terrasse privée, on peut pas. Et puis, il y en a qui l'ont. Et puis. Mais qui l'ont pas, ouais. C'est un peu le monde à l'envers. Faut me donner le numéro de téléphone de la personne qui dit ça, parce que... Manu. Manu s'en fout de ça. Je pense, hein, il est Non, mais c'est fatigant, parce que, voilà, quand on voit notre maire qui passe à la télévision, qui dit, moi, ma ville, je fais tout pour ma ville, pour mes commerces. Il l'a dit, perçoit, lui, il le pense, mais à côté, c'est pas sûr. Apparemment, il a tous les commerçants au téléphone tous les jours. C'est ce qu'il a dit dans un interview, oui, où je viens de le lire. Moi, j'arrive pas à l'avoir, donc... Ah bon, donc c'est pas tout le monde, alors. Hein, le 06, on l'a pas comme ça, quoi. Ça, c'est clair. J'ai un truc que je comprends pas, là, c'est, à qui t'as prêté ta terrasse, les jeunes, là? Oui. Mais pourquoi ils ont pas le droit d'exercer chez eux? Ils ont un local, non? Alors, si on leur prête un chalet, là j'arrive pas trop à suivre l'histoire. Non, parce qu'au départ, les chalets qui étaient prêtés par la ville, c'était pour faire de la vente à emporter, mais de restauration. Ouais. Mais ils peuvent pas le faire chez eux, emporter de la vente? Si, mais eux, ils sont en haut de la rue de Bourgogne. Ah ouais? Ah d'accord. Il y a personne dans la rue de Bourgogne. Ah ouais, c'est désert. Ouais, c'est ils sont en fin de rue. Ils sont en fin de rue. Ah ouais, l'histoire, elle est là, en fait. Ils sont en fin de rue. Je comprenais pas, ouais. Je comprenais pas qui. Et puis c'est une personne qui a quand même 3 commerces à Orléans, 2 à Blois, 2 à Tours qui sont fermés. Ouais. Il a quand même du chômage partiel à avancer. Mmh. Donc je voulais lui donner un coup de main, étant donné un coup de pouce, quoi. Hein. Moi au Bidule, j'ai quand même du passage. C'était agréable de voir son personnel faire des crêpes devant les clients. Mmh. C'est sûrement plus agréable que de voir actuellement des clochards sur ma terrasse. Ah, c'est vrai qu'il y en a un paquet énorme, mais faut être honnête. Moi j'y vais un temps en temps. Il y en a pas. Entre ça, les poubelles, c'est bon. Arrêtons. Voilà, je suis fatigué. On parle d'emplacement. l'emplacement, justement. Je pense qu'en ce moment, l'emplacement est, il faut avoir un bel emplacement, hein, quand t'es ouvert. Si tu fais de l'emporter, par exemple. Ah, bah si oui. T'es situé, comme tu le dis, au bout de, au trou du cul du monde. C'est mort. T'es déjà mort à la base, mais alors là, c'est l'apocalypse, hein. Moi, je vais en ruralité. J'ai été sur Pithiviers. J'ai été, la semaine dernière sur Vendôme, etc. Mais c'est mortel. Il y a personne. Ah ouais. Il y a personne dans les rues parce que ce sont des villages ou des petites villes où il y a beaucoup de personnes âgées et comme ils regardent la télévision, ben ils ont peur de sortir. Donc ce sont pas des gens qui feront de la vente emportée, la livraison, ils connaissent pas pour aller sur du click and collect parce que c'est compliqué. Ouais, c'est moderne pour eux ça. Enfin voilà, c'est tout ça, un ça c'est cinéma. Les anciens, ils travaillent à l'ancienne encore avec le carnet et tout, hein. Ouais, voilà, donc sur internet, il y en a qui connaissent pas forcément, hein, des anciens commerçants. Il y a Michel, bon lui c'est allé sur internet, hein. Oui, mais tout le monde n'est pas ça, Michel. Ouais, donc ça fait que il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas d'internet, ouais, donc ouais. Qui peuvent pas faire du click and collect avec, ou de regarder et comprendre parce qu'il y en a qui forcément des anciens commerçants peut-être qui ont une boulangerie depuis 40 ans et ils savent pas trop, hein, bah, exactement. Sais pas, des exemples. Comment on voit l'avenir aujourd'hui, Sonia, à l'heure actuelle? Bon, on sait que mercredi Manu va parler, je pense qu'il va reconfiner, on va être reconfiné, je suppose. Alors je il suppose est pas que pour c'est un, il est pas pour le reconfinement. C'est un plan B ou un plan A pour toi? Est-ce que ça serait la solution? Parce que là il faut être honnête, depuis le début on voit que des bouts. Enfin, il y a eu un espèce de couvre-feu qui ne servait à rien, le premier là, le deuxième là, où tout le monde était dehors. Moi-même j'ai pas compris, il y avait autant de monde dehors que dedans. Là, bon, l'histoire des 18h, tout le monde panique un peu. Il faut qu'on speed, il faut qu'on rentre à la maison, il est 5h30, 6h, je sais pas. Les commerçants sont fermés, tout le monde galère, toi tu galères aussi. Est-ce que toi aujourd'hui ça fonctionne d'être ouverte comme ça Alors moi je travaille le midi. Honnêtement, hein. Moi je travaille le midi, donc beaucoup le midi, puisque le soir ça sert à rien, à 18h tout le monde est rentré. C'est clair. Donc actuellement, moi je voulais pas faire de la livraison, parce que moi faire travailler des plateformes qui prennent une fortune, ça m'intéresse pas. Ouais, les Uber, tout ça là, hein. Donc si ça me 39% à leur donner, puis ouais, quoi encore, fâchés, hein, ouais. Voilà, ouais. Donc là si on est reconfiné, je ferai moi-même les livraisons parce que ça m'occupera, étant donné que j'ai rien à faire, donc ouais, voilà, ouais, ouais. Mais ça va être très compliqué si on doit être reconfiné. Moralement, psychologiquement, ça va être très compliqué, quoi. J'ai un pressentiment que de plus en plus le moral en prend un coup aujourd'hui, hein, moi, par rapport au premier confinement, oui. Beaucoup de confrères là, ils ont le moral dans les chaussettes. Moi, j'ai des confrères aussi qui ont envie de lâcher la prise. Voilà, parce que là, c'est y en a marre. C'est quand on va pour les stations de ski, j'ai eu des collègues qui sont dans les stations de ski, c'est une catastrophe. On sait pas où on va, on peut pas. Alors moi, je prépare avec d'autres collègues l'après Covid. Ouais. Mais l'après Covid. C'est bien, il faut. Hein, je pense aussi y penser. Ouais. Nous, on a un espoir d'ouvrir pour mai maintenant. Pas très loin. Je parle pour les restaurants. Mais parce t'as né de quelle année, Sonia? T'es pas donné l'année là. Peut-être l'année que je vais prendre ma retraite, hein, ça oui, continue. Ça sent... C'est bien, non, bien. Non, faut garder espoir aussi. Mais je pense aussi, faut pas non plus tomber dans. Il faut qu'ils nous donnent une date. Voilà, si on peut comprendre qu'on va ouvrir après Pâques. Tu vois, je te rejoins parce que c'est vrai que si on avait une date en tête, les restaurateurs et les bars, par exemple, ou les discothèques, bon, ça c'est un sujet. On pourrait travailler déjà. On pourrait se dire, bon bah tiens, dans ta tête, tu te dis, on va ouvrir, je sais pas, j'ai une corrille le 15 mai, par exemple, un exemple. Hein, et là, tu te dis, bon, je vais préparer mon ouverture. Exactement. Je vais faire ci, je vais mettre ça en place, je vais faire ça. Refaire une nouvelle carte, etc. Voilà. Etc. Ouais. Mais là, actuellement, on sait pas trop. Bon, moi, je me doute un peu. Pour moi, ça va être en mai. Ah ouais, carrément, en mai, ouais, pas avant. Pour moi, comme ça, je me fais l'ouverture pas trop... globale, hein, on parle pas de l'emporter, là. L'emporter, c'est toujours actuel, ça, hein. Oui. Ouverture globale. Pour moi, je me dis en mai, comme ça, je me fais pas de, je serais pas déçu. En plus, on dit quoi? En mai, on fait ce qui nous plaît. Comme ça, au moins, on pourra faire ce qu'on veut. Alors, on a espoir, les beaux jours arrivent, en mai, voilà. Ouais. Après, je sais pas. Bon. De toute façon, même si on rouvre en mai, on fera de la livraison et puis c'est tout. Voilà. On n'a pas le choix. Le confinement, on en parlait. Tu penses quoi? Confiné, pas confiné? Mercredi, Manu, quand il va parler. Est-ce que Tu te sens comment, Manu, là, en ce moment? Tu l'as appelé hier, tu m'as dit. Non. Oh, Manu, tu Manu, descends. Manu, ouais. Manu, Manu, si tu m'entends, Manu. Manu, il est comme tous les autres pays. Ça, il mais c'est pas lui qui décide, hein, vraiment. Hein. Il a des médecins autour de lui. Mais qui reste dans leur le conseil place, scientifique, là, hein, tous les vieux médecins, là. Hein, ouais, je sais pas s'ils sortent ces jours-là, d'ailleurs. Je sais pas s'ils vont dans la rue un peu. Hein, parce que nous, on est fermés, on fait rien de mal, mais nous, on est fermés, ça continue à monter. Par contre, vous allez en grande surface et dans les métros, donc à un moment, il faut arrêter. côté. Ouais, c'est rigolo parce que bon, bah nous les discothèques, on est fermés depuis le début. Hein. Non, on va pas gueuler. Bah, voilà, c'est la fin du monde. Hein. Les bars, bah ça a fermé là. Les restos, ça a fermé. Et puis ça augmente. Alors encore, on se rend en diminution. Je me dis bon, bah ça vient peut-être de chez nous. Enfin nous. Pas les discothèques, parce que les discothèques, on est fermés, nous, on n'a jamais ouvert. Alors, oui, mais il faut prouver que ça est arrivé dans des restaurants. Voilà, donc maintenant, prouver pourquoi les restaurants, prouver pourquoi les bars, etc. Voilà, exactement. Ouais, hein, quand tu vas chez Mammouth, il y a la queue. Voilà, c'est ça. Ça n'existe plus, Mammouth, hein, j'ai fait exprès. Quand on voit ce qui se passe dans les grandes surfaces, dans les galeries marchandes, etc., faut arrêter. Il faut arrêter. On parle des restaurants, justement. Alors, il y a une espèce de charte qui s'est mise en place il y a quelques semaines. Pour quelques restaurants qui pouvaient ouvrir pour les gens qui travaillaient à l'extérieur. Ça, j'ai vu ça sur des journaux, tu sais. Ils ont mis en place une charte. Pour le BTP? Pour le BTP, voilà. Ah ouais, mais... Alors, c'est-à-dire, ils avaient mis une charte avec la préfecture en accord en disant, tel restaurant vous pouvez ouvrir en accueillant que les gens qui travaillent à l'extérieur. C'est vrai que les gens qui travaillent dehors, par moins quelque chose, c'est pas facile de bouffer dans le camion ou sur une terrasse, à se geler, hein. Faut être honnête. Donc, ils ont réussi à avoir gain de cause. Et puis là, mauvaise surprise. Bah, c'était sûr. Ces restaurateurs-là qui ont réussi à ouvrir pour aider quelques artisans qui travaillent dehors, les mecs du bâtiment, etc., il y en a plein, enfin les ouvriers, etc. Et bien maintenant, ils sont plus éligibles aux 10 000 euros offerts par l'État. Enfin, offert par Macron. L'État va pas tout faire, l'État, faut arrêter. Oui, mais à un moment, ce qu'ils vont bosser le midi, les mecs, c'est pas avec 20 ouvriers par jour, ou 10, je dis 20, moi ça se trouve, j'ai même large. Hein, ça a été un point de vue. Le mec, il fait 5 ouvriers par jour, hein, 5 par 20 balles ou 20 balles avec tout, voilà, je dis, allez, il y en a pour 100 balles, hein, tu fais le calcul, le mec, il va faire 100 balles par jour, en une semaine, il va faire 500 balles et tu calcules sur un mois il va faire 2000 balles. Bon, avec 2000 balles. Alors, je sais pas, j'ai une connerie peut-être. Hein. J'ai fait vite le calcul là. Hein. Quand on dit ça, alors moi, nous, Génie, on n'a pas été conviés. Ouais, parce que tu es la vice-présidente du Génie aussi. On n'a pas été conviés, ouais. Ça a été une affaire CCI, CMA et l'UMI. D'accord. Mais, avec la préfecture. Mais très bien, parce que moi, par rapport à mes adhérents, j'ai rien en reproche. Parce que ça a été fait à la va-vite. Ouais. On a CCI France, on décidé ça, c'est bien beau. Des tarifs à 12 euros. Moi, je suis désolée, je suis pas en solde. Donc, déjà pour commencer. Mmh. Et puis, après, on dit c'est pour le BTP. Oui, mais il n'y a pas que. Il y a les commerciaux, il y a plein de gens qui mangent aussi. Voilà. Et bah en moi, plus, c'est moi fait, je bouffe le midi. C'est fait pour les restaurants qui sont en périphérie, pas pour les centres-villes. Ah ouais. Donc, c'est compliqué à gérer. Hein. Voilà, déjà, on aurait fait des petites parenthèses. Il y a Cyril qui me dit, Cyril Guénaud, courage à cette dame. Voilà, c'est un message que je vais recevoir, hein, je te le dis en même temps. Voilà. Et moi, ce que j'aurais pensé, c'est que avant de signer des trucs comme ça, je sais pas, on a un comptable, on a un expert comptable, on a un avocat en ce moment qui nous donne des conseils, je sais pas. Comment on peut signer tout pareil? Donc maintenant les gens qui ont signé ça, comment ils font maintenant? Ils ont plus les 10 000 euros. Alors c'est officiel, ou est-ce qu'ils vont trouver un accord avec Bercy? Bercy vont peut-être faire marche arrière. Je sais pas, j'espère pour les restaurateurs, bien sûr. Bon, une faute. Ouais, une faute. Ça n'a pas été bien étudié, ça a été fait à la va-vite. Je veux pas critiquer ça, c'était parti pour une bonne chose. Mais ce qu'il y a, c'est que le dossier n'a pas été approfondi. Ouais. Voilà. Comme il n'a pas été approfondi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, en espérant qu'il retrouve l'éligibilité des 10 000, ces gars-là. On verra, on en reparlera. Bon, alors toi, l'avenir aujourd'hui, donc ta terrasse, tu l'auras toujours? Ma terrasse, je l'aurai toujours. J'attends mon chalet. Je regarde ton chalet, mais avant, parce qu'on parlait de... T'aurais pu ta terrasse, peut-être, etc. T'allais passer en commission, non? C'était en commission par rapport à... Commission à Auchan? Commission, c'est que... ils ont parlé de mon cas, étant donné que j'étais pas une bonne élève, quoi. Voilà. Ah ouais, tu t'es fait taper sur les doigts. Gentiment, mais bon. Ouais, c'est pas méchant. Ouais. Non, c'est pas méchant. Et puis, quand je vois tous les clochards sur ma terrasse, de toute façon, je vais faire le nettoyage dans pas longtemps. Hein. Ouais, je vais pas rigoler, là. Attention. Voilà. Bah, dis doucement, quand même. Je m'en fous, j'ai rien à perdre, moi. Ouais, non, faut pas. Ouais, ok. Alors, l'avenir, Sonia, comment tu le vois aujourd'hui? Le Covid, toujours là, malheureusement, malgré la fermeture des bars, des restos, des discothèques. Faut qu'on vive avec. Les salles de sport, faut penser aussi à eux, hein, parce que j'ai mon pote Camille, il galère aussi, hein. Ce matin, j'ai eu Anthony aussi, les hôtels, c'est ouvert, ça, les hôtels. Anthony Bilois, qui a demandé une une autorisation pour faire des lives dans sa discothèque. Pour l'instant, il attend une réponse. Non, c'est mort. Tu l'auras pas. Il faut qu'il fasse chez toi en privé. Il faut qu'il fasse ça. Attends. Et puis chez toi en privé, Facebook, il te coupe. Moi, je le fais. Donc, je lui ai dit, ne fais pas ça dans ta discothèque. Tu auras des problèmes. Ouais, ça c'est clair. Donc, il va avoir les gendarmes du boulet. Il faudra que tu lui conseilles d'ailleurs. C'est ton secteur. Tu me dis qu'il m'appelle. Moi, je suis conseiller en discothèque sur Orléans. Ça fait 14 mois que je suis conseiller, moi. Mais oui, 10 mois, pardon, j'abuse, 14 mois. Non, c'est le 14 mars, j'avais cette date de merde dans la tête. Ouais. Voilà, donc cette date. Donc, mais faut travailler maintenant. Faut travailler, toi tu t'en sors aujourd'hui, Sonia, parce que ce que tu fais. Alors moi, je m'en sors pour. Tu bidouilles le midi, entre je guillemets. Je bidouille le midi. Non, mais je dis, c'est un gros mot, bidouiller, c'est pas méchant ce que je dis. Comme hier, j'ai travaillé, j'ai super bien travaillé parce qu'on n'était pas beaucoup à ouvrir. Ouais. Moi j'ai la chance d'être toute seule, donc j'ai pas d'enfants à nourrir, j'ai pas de loyer. Ah si, t'as une saucisse, un petit chien. Oh, j'ai un petit chien que j'ai adopté. Je passe bonjour, il nous écoute, la voilà. Saucisse. Mais voilà, moi j'ai pas le souci que beaucoup de confrères ont. Avec des enfants, tout ça, des loyers, des gros loyers, des charges. Ouais. Moi j'ai des restaurateurs qui sont retournés avec la femme et enfants dans le restaurant pour y vivre. Ah, carrément. Ils ont plus les moyens de payer un loyer. Ah vache, ça fait flipper. Donc à côté de ça, je suis pas à plaindre. Non, j'ai pas le droit de me plaindre. Toi, aujourd'hui, il faut être honnête, tu t'en sors un petit peu. Enfin, je m'en sors un petit peu, c'est pas non plus la folie. Oui, mais j'ouvre 7 sur 7. Ah ouais, mais par contre, c'est tous les jours. C'est tous les jours que je suis ouverte. Courageux, quand même. Qu'est-ce que tu veux aller vendre des chocolats, des cafés, c'est un peu ça, les plus grosses ventes. Ouais. Et puis, mais bon, 2+2+2 à la fin de la semaine. Et puis les gens, ils viennent me voir pour parler. Ils ont envie de parler, les gens. Moi, ça m'embête parce que le jour, j'étais chez toi boire un café, je passe de temps en temps. Et puis en partant de chez toi, je suis croisé sur un artisan qui était ouvert aussi, qui vendait, je sais plus quoi, des crêpes ou je sais pas quoi, ou des glaces un peu plus loin. Et puis, comme les gens peuvent pas, ils étaient sur le trottoir, les gens par terre en train de manger, t'imagines? Et je me dis, mais dans quel monde on vit là? Dans quel monde vit-on? Oh là là, ça fout les boules quand même. Voilà, c'est compliqué. Et puis les gens, ils ont besoin de, ils sont habitués à nous. Donc mais on voit que les gens, ils ont envie de parler. Moi, quand j'étais chez toi, je suis resté un petit peu dehors pendant une demi-heure, là, on discutait dehors. On avait 1,50 m de distanciation, comme ça, les gens diront pas que, Et je vois les gens qui ont envie de parler, qui s'arrêtent. Un café. Vous avez vu, en ce moment, c'est pénible. Et ils ont besoin de ça, les gens, Et puis ils sont contents de voir que je suis ouverte, donc ils viennent, ils me soutiennent. Voilà, samedi, j'ai eu beaucoup de clients qui sont venus parce que. T'as pas l'impression de demander un peu l'aumône des fois quand c'est ça? Excuse-moi de te dire ça, Sonia, c'est pas méchant. Non, mais tu vois pas. Tu vois, comme nous, quand on demande les aides, là, quand on va sur le site des impôts, là, on est comme là, en train de cliquer. Non, j'ai pas de remords parce que moi, j'ai rien demandé. Moi, ils gardent leurs 10 000 euros. T'en veux pas? Je peux les prendre? Alors, moi, je te donne un rib. Qui gardent leurs 10 000 euros et qui me laissent ouvrir. Ah, c'est ça. Bah, moi aussi. C'est tout. Moi, je te dis pareil. J'ai 54 ans, j'ai jamais demandé aucune aide. J'en veux pas. Oui, mais j'assume. Non, si tu veux pas de tes aides, je les prends. Mais tout le monde, moi le premier, moi les aides, moi je suis honnête, moi les aides, je les ai eues hier, la notification de paiement. J'ai pas eu l'argent. T'as de la chance, t'as eu la notification, moi je l'ai pas encore. Ouais, mais t'imagines, depuis début janvier, on est le combien là? On est le 20, 25, bientôt on va avoir la deuxième demande. Mais moi j'ai pas reçu mon chômage partiel du mois de novembre. Voilà, et j'ai des gens, je vois des discothèques en France là, qui ont toujours rien eu encore, aujourd'hui. Donc franchement, bon bref, ça c'est un débat qui peut durer, perdurer, on peut en parler pendant 3 heures. Il y a tellement de dossiers, et puis ils sont obligés de... Mais je pense qu'il faut être honnête, ils sont débordés là-haut. Ah ouais, non mais c'est sûr. Ils savent pas où répondre. Et puis ils sont en télétravail, ils sont pas en... Ils en peuvent plus. Moi je le vois, quand ils sont au téléphone, ils savent pas quoi répondre, ils savent pas, peut-être, je sais pas, non. Et puis à chaque fois ça change, machin, gna gna. Et puis ils changent tout. Alors le problème de la France... on a des aides, ça c'est bien. Franchement, il faut être honnête. Il y a des aides, il y a des trucs qui se mettent en place, on les a eu nous. Mais par contre, il faut arrêter tous les 4 matins de changer les systèmes. Un coup c'est sur le site de la région, un coup c'est les impôts, un coup il faut déclarer ça. Et ça, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais qui c'est qui a la tête? Qui c'est qui s'occupe de ça à l'État? Faut que je l'appelle parce que pourquoi on simplifie pas tout simplifier les choses, bordel. Non mais c'est vrai, moi je dis il faut simplifier les choses, Sonia. Bon alors Sonia, concrètement aujourd'hui, donc tu continues à faire de l'emporter là. Moi, je continue à faire de l'emporter. Ouais. Là je vais me mettre à faire de la livraison que je vois. Tu vas livrer toi-même, comment tu vas faire si t'es pas là? Je comprends pas. Parce que quand j'ai... Tu vas mettre un panneau? Non. Je reviens de suite. Mon ami Sandra Da Silva va me mettre le click and collect sur mon ordinateur. Ah ouais, d'accord. Puisque j'ai une aide de la région de 500 euros pour faire une page, etc. Donc elle va me le faire. Oh, c'est bien ça. Et puis même de chez moi, je peux avoir mes commandes. Et puis, et puis je vais faire mes petites livraisons, puis ça va m'occuper. Ouais, en fait, les gens ils commandent sur le site, puis toi tu livres. Et tu l'as fait où, la bouffe, au resto? Ouais, au resto. Ouais, parce que chez toi ça va être le bordel sinon. Oh, j'ai une grande cuisine. Ah bah ça va, moi j'ai une petite cuisine de rien du tout, donc j'aurais du mal. T'as bon, bah, voilà. Oui, j'ai une quichenette, hein, Sonia Loss. Eh bien, merci. Un dernier mot peut-être pour les gens, les restaurateurs, les bars, les discothèques, les salles de sport, j'en passe, excusez-moi, les événementiels. Alors, pour tous les... j'en oublie plein, excusez-moi, mais j'ai ça en tête là, parce que, bah, nous, les discothèques, on est fermés, nous, on est morts. Alors, comme on dit. Nous, on est enterrés quasiment, c'est la folie, quoi. Qui est à la mode. Je vais faire un cimetière, moi, là-haut. Qui est à la mode, c'est pour tous les noms essentiels. Oh, garder le moral. Ouais. Garder le moral, on va s'en sortir. Mmh. C'est vrai que c'est compliqué. Je le sais que c'est compliqué avec pour tout le monde. Compliqué, ouais. Mais il faut déjà travailler pour nos réouvertures. Mmh. Et là-dessus, ça donne de l'espoir. Voilà. Je sais que c'est dur à dire. On va me dire, oh, mais elle, à laquelle a pensé. Oui, mais moi, je pense beaucoup aussi aux autres. Donc, il n'y a pas que moi à penser. D'accord. Donc, garder le moral. D'accord. Prenez soin de vous. Voilà. Toi, tu pourrais être le doc à la radio. À l'époque, il y avait un mec qui faisait les appels à morale aux ados, c'est qu'il avait un problème, qu'il appelait le soir. Tu pourrais être le doc à la radio l'après-midi. Tu vois, t'aiderais les gens comme ça. Tu sais, on nous appellerait, tu dirais, oui, alors c'est quoi ton problème? Non, mon téléphone, ça y est, le soir, jusqu'à 22h. On mettrait une ligne ici à la radio, une ligne privée. Ouais, tu pourrais faire ça, le doc. Sonia, tu es portugaise? D'origine, ouais. D'origine. Tu sais que le président a été réélu, la Marcelo Rebelo de Sousa. Je me suis hier, pas trompé. Ouais. Hier, ouais. À l'âge de 72 ans, ouais, c'est bien. Alors, ce qui est un peu choquant, étonnant, c'est qu'il y a eu que 39% de participation. C'est pas beaucoup pour le Portugal. Pourtant, Portugal solidaire. Mais ils sont reconfinés. Ouais, oui, ils sont reconfinés. Ouais, donc les gens, ils sont pas sortis. Je pensais qu'il y aurait eu plus de votes, moi. Non? Ouais. Bah, les gens, ils ont pas trop la tête à ça. Hein. Ouais, c'est ça, pour l'instant. C'est comme si qu'il y avait des élections en France. Comme nous, on a eu quand même des élections de la région, hein, à l'époque. Hein, L'année dernière, au mois de mars, on n'avait pas envie d'aller voter, l'an. J'avais pas envie d'aller voter pour un des maires, quoi. Bon. Bah, c'est la même chose. Voilà. Bah, en tout cas, merci de ta bonne humeur, ça me fait plaisir de recevoir des gens comme ça qui sont en pleine forme. Ouais, ça me fait plaisir, Sonia. Merci. Tu reviens quand tu veux, dès que t'as un problème, tu m'appelles. Hein. Bah, dès que j'ai mon chalet, je reviens. Ah bah, reviens avec le chalet. Alors, je sais pas si. Je vais faire des photos, là. Je sais pas si ça sera là. Ou ça sera l'année prochaine, je sais pas. Bon, bah, en tout cas, j'espère te revoir en 2055. Non, je serai à la retraite. Vous viendrez me voir à Licha, parce que là, je serai pas là. Ouais, on t'amènera des fraises. Je vais faire une petite photo, si tu veux bien, j'arrive. Merci. D'accord. Merci, Sonia Alves. Merci à tous.